Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Grace Kelly, la star hollywoodienne devenue princesse. Altesse Sérénissime, vous avez, je pense, fait la conquête du Canada tout entier et des femmes canadiennes peut-être en particulier. Il y a une chose qui nous a étonné énormément, c'est de vous voir voyager avec vos enfants. Je veux savoir si vous le faites très souvent. Oui, le plus souvent possible et surtout quand il s'agit d'un voyage assez long. Alors, comme les enfants sont en vacances et pour voir le Canada et surtout l'Expo, c'est une expérience pour eux inoubliable. La princesse de Monaco, Grace Kelly, qui répond aux questions de l'animatrice Lise Payette en 1967 à l'occasion de sa visite à l'Exposition universelle de Montréal. Muse d'Alfred Hitchcock pour un temps, Grace Kelly va renoncer à sa carrière d'actrice à Hollywood pour s'investir entièrement dans son rôle de princesse à la suite de son mariage avec le prince Rainier. À son arrivée à Monaco, elle ne mettra que 3 mois pour apprendre le français. La studieuse Grace charmera instantanément le cœur de ses sujets, tout comme par sa beauté élégante. Elle avait d'abord su séduire les cinéphiles du monde entier. C'est une histoire mythique. Cette femme est mythique. C'est un roman, c'est un des plus grands romans américains qui existent. Venue d'une famille à Philadelphie, devenant princesse d'un petit rocher perdu quelque part en Europe, comment peut-on ne pas être tout de suite une légende? C'est la légende vivante par excellence. Le journaliste, auteur et réalisateur français Philippe Labreau, extrait du documentaire Grace Kelly, une femme libre, réalisé en 2014 par Bertrand Tessier. Bertrand Tessier est dans nos studios de Paris. Bertrand Tessier, bonjour. Bonjour, Jacques. Vous avez écrit, Bertrand, cette biographie de Grace Kelly, Grace, la princesse déracinée. Vous avez signé ce documentaire dont on entendait un extrait, Grace Kelly, une femme libre. Qu'est-ce qui vous intéresse tant chez elle? Ce qui m'intéresse chez elle, c'est qu'à l'époque, j'avais écrit et réalisé des films sur beaucoup d'artistes français. J'avais envie d'évoquer un peu le cinéma américain qui me passionne. Et Grace Kelly était pour moi une sorte de passerelle transatlantique, si je puis dire, puisqu'elle a vécu une partie de son temps aux États-Unis, à Hollywood, et puis l'autre partie en France, ou du moins dans le sud de la France, dans cette principauté qui s'appelle Monaco. Et il y avait un thème qui m'a toujours passionné et intrigué et intéressé, c'est la quête d'identité. Or, la vie de Grace Kelly est une longue quête d'identité. Ce qui est quand même tout à fait fascinant chez elle, c'est qu'elle a vécu 26 ans sous le nom de Grace Kelly, en étant une femme libre, indépendante, moderne. Et elle a vécu 26 ans sous le nom de Grace de Monaco, dans une vie tout à fait différente, puisque corsetée, si je puis dire, dans les contraintes de son rang d'altesse sérénissime. Et comment a-t-elle vécu cette contradiction? C'était un bon point de départ, je pense. Un magnifique personnage, une icône cinématographique, puis princesse. Il y a une espèce de conte de fées, mais un drame humain aussi. Donc vraiment du bonbon pour un documentariste, pour un auteur. Voyons un petit peu son parcours depuis le tout début. Parlons d'abord de la jeune Grace. Philippe Labreau l'évoquait dans l'extrait qu'on a entendu. Elle naît à Philadelphie, sur la côte est américaine. À quel milieu appartient-elle? Elle appartient à un milieu extrêmement aisé, à la haute bourgeoisie de Philadelphie, un univers wealthy, comme on dirait aux États-Unis. Elle est d'une famille catholique, ce qui a son importance. En plus, la côte est, nord-est américaine, c'est quand même une micro-société, donc elle est extrêmement bien éduquée. Elle va souffrir tout de suite dans son enfance du manque d'intérêt de son père. Son père est un entrepreneur, on va dire dans les travaux publics pour faire simple, qui a été un grand sportif, un champion olympique d'aviron. Et Grace, il la trouve un peu souffreteuse. Elle est souvent un peu malade quand elle est petite. Donc en fait, il s'intéresse pas vraiment à elle. Et donc toute sa vie, elle va chercher un père. Ouais. Elle s'intéresse pas au sport d'ailleurs. Sa mère aussi est une athlète. Donc c'est pas sa fille préférée. On va dire ça comme ça. Au père. Non, elle est un petit peu mise à l'écart dans la famille. Donc il va falloir qu'elle existe par elle-même, qu'elle se libère de cette éducation qui est quand même une éducation relativement rigide. Ouais. Et la libération va vraiment arriver quand elle arrive, quand elle décide de partir à New York pour suivre des cours de théâtre. Ouais. Et là, à ce moment-là, évidemment, ses parents sont pas très contents parce que pour eux, c'est pas un métier. Mais elle découvre le New York vibrionnant, électrique, où il se passe quelque chose et ça va changer sa vie. Ça va changer sa vie parce que là, elle fera donc ce cours d'art dramatique, ça l'amènera à la télé, puis au cinéma. For you and I have a guardian angel. With nothing to do but to give to you. Ça l'amènera au cinéma et ce sera vraiment une grande star hollywoodienne. True Love, c'est ce qu'on entend, cette chanson interprétée par Bing Crosby et Grace Kelly, tirée du film High Society, ou Haute Société en français, réalisé en 1956. Un petit mot, une petite parenthèse, vous disiez, cette relation sera difficile avec son père, elle souffrira toute sa vie d'un manque d'amour paternel. Bing Crosby elle aura une aventure avec Bing Crosby et en fait, elle cherchera le père dans plusieurs des relations qu'elle aura avec ses amants. Oui, toujours. Bing Crosby, il a 26 ans de plus qu'elle. Il est veuf au moment où ils se rencontrent. C'est pas au moment du tournage de High Society, qui est leur deuxième film ensemble, mais c'est au moment d'Une fille de la province qui lui vaudra l'Oscar, puisque dans la dizaine de films qu'elle va tourner à Hollywood, elle va quand même obtenir la récompense suprême. Ouais. Bing Crosby, il y a donc une aventure entre eux au moment du tournage d'Une fille de la province. Lui est veuf, il est un petit peu désespéré à ce moment-là. Et ce qui est assez curieux, c'est que c'est vraiment elle qui finalement va interrompre leur relation. Parce qu'elle le trouve un petit peu trop sage finalement à ce moment-là. Elle aime les hommes un peu indomptables, hommes un peu... elle a déjà eu des aventures avec Gary Cooper sur le tournage de Mogambo. Elle va en avoir avec William Holden. Elle en a eu une aussi avec Remy Land sur le tournage d'un film d'Hitchcock qui s'appelle Le crime était presque parfait, qui est une histoire qui va vraiment défrayer la chronique parce que Remy Land est marié. Et là, on est dans l'Amérique des années 50, et quand l'information commence à sortir qu'ils ont cette romance, elle apparaît comme la briseuse de ménage. Ouais. Ça, évidemment, c'est très mauvais pour l'image, et donc on l'a un peu oublié. Ça va interrompre. On l'a un peu oublié parce qu'elle a cette image, cette beauté, puis on y reviendra dans un instant, mais cette élégance, elle deviendra princesse. Donc on oublie un petit peu cette, et c'est l'objet de votre documentaire, mais cette femme libre qu'elle a été à l'époque de sa carrière hollywoodienne. Vous parliez d'Hitchcock, Bertrand Tessier. Ah oui, vous savez, quand vous dites une femme libre, c'est vraiment le mot. C'est-à-dire que d'abord, amoureusement, et j'ai envie de dire sexuellement, elle est vraiment... extrêmement libre, puisqu'elle choisit les hommes dont elle a envie et pas forcément avec l'idée d'un mariage derrière, même si à chaque fois elle les aime vraiment. Elle a un petit côté corde artichaut, je veux dire. Et puis, ce qui est très intéressant à voir, c'est que dans ses rapports avec le monde de cinéma, elle va être extrêmement libre. Elle est sous contrat avec la MGM, qui est le grand studio hollywoodien de l'époque, et elle va réussir à négocier des choses avec le studio, alors qu'à ce moment-là, les acteurs sont vraiment des employés au service des studios. Et elle va notamment réussir à négocier le fait de continuer à habiter à New York et de ne pas s'installer à Los Angeles, qui est une ville qu'elle n'aime pas, alors qu'elle se sent bien dans l'effervescence new-yorkaise. Intéressant. Et ça, de sa part, c'est quelque chose de très très fort. Ouais, femme c'était de caractère. Elle a vraiment défié les studios. Bon, alors parlons de ces films qu'elle fera avec Hitchcock, parce que pour clore cette partie cinéma américain, parce que c'est là vraiment où les films les plus importants, en fait, ce sont ces trois films pour elle qu'elle fera avec Hitchcock. Parlez-nous de leur relation. Hitchcock, évidemment, va être important pour elle, mais elle sera aussi importante pour Hitchcock. Je crois qu'elle incarne absolument tous les fantasmes d'Hitchcock. C'est-à-dire que Hitchcock disait qu'elle était un volcan sous la neige. Donc elle a cette espèce de beauté glacée et froide derrière laquelle on sent quelque chose de vibrionnant. Et puis Hitchcock, pour elle, va être très important parce qu'il va être un mentor. Il va être un Pygmalion. Il va vraiment la grandir dans son talent d'actrice. Il va vraiment lui donner des rôles qui sont emblématiques à tel point qu'il marque les esprits encore aujourd'hui. Ouais. Vous parliez de cette image très belle du volcan sous la neige d'Hitchcock quand il parlait de la beauté de Grace Kelly. Dans le même ordre d'idée, il va aussi dire que c'est une femme très belle qui suggère le sexe, mais qui ne l'incarne pas. Écoutez Jean-Daniel Lafont, réalisateur, documentariste, à l'émission Présent, le 15 septembre 82, qui réagit justement à cette phrase d'Hitchcock quand il tente de décrire la beauté de Grace Kelly. Il est bien évident que Grace Kelly, c'est une femme qui est directement issue, pour moi, me semble-t-il, de ce modèle très maccartiste de la femme. C'est-à-dire une femme qui, à la fois, sexé, comme on dit ici, hein, qui est sexuel, mais qui n'est pas un objet sexuel à proprement parler, ou plus exactement, c'est un objet que l'on dévore des yeux pour le moment. Ce n'est pas encore la star que l'on touche du doigt, si j'ose dire. C'est la femme parfaite des années 50. C'est la femme qui a eu une éducation de femme du monde, qui a été élevée en Pennsylvanie dans un couvent, et qui, d'ailleurs, dans tous les films dans lesquels on la retrouvera, ne sera jamais vulgaire, comme on dit. Femme parfaite des années 50, dit-on dans cet extrait, évidemment. Il faut tenir compte de cet aspect libre que vous décriviez il y a un instant, Bertrand Tessier. Mais sur sa beauté, j'écoute Jean-Daniel Lafont aussi, qui dit jamais elle n'est vulgaire. Il y a une autre image qui me vient tout de suite. Comment se compare, par exemple, la beauté d'une Grace Kelly à celle d'une Marilyn Monroe à la même époque? Alors, pour revenir à Hitchcock, Hitchcock trouvait que Marilyn Monroe avait la sexualité en sautoir. Donc, on voit tout de suite la différence entre Marilyn Monroe et Grace Kelly. Marilyn, c'est une beauté incandescente. C'est le sexe symbole par excellence. Grace Kelly, c'est le chic de la côte est américaine, nord-est américaine. On y revient toujours. Ouais. C'est son le éducation. Chignon, c'est le rang de perle. C'est une élégance sophistiquée qui va être en plus extrêmement mise en valeur par cette magnifique costumière de la MGM qui est Eddie Said et qui va la prendre en main et affûter son look. C'est vraiment le chic. Grâce Patricia, voulez-vous prendre pour légitime époux Régnier Louis Henri Maxence Bertrand, ici présent, selon le rite de notre mère, la Sainte Église. Dehors, la joie populaire attendait le jeune couple. La vedette Grace Kelly jouait dans la jolie simplicité d'une épousée le dernier rôle de sa carrière de reine de l'écran. Alors, le 19 avril 1956, Bertrand Tessier, Grace Kelly se marie au prince Régnier. C'est le début d'une nouvelle vie pour elle. Mariage très, très médiatisé. On va parler de ce mariage comme du mariage du siècle. Qu'est-ce que ça représente, ce mariage, pour elle, pour Régnier, pour les monégasques? On dit dans l'extrait, ils sont fous de joie, là, à la sortie de la cathédrale. Pour tout le monde, j'ai envie de dire. C'est une espèce de rêve de petite fille. Je vais épouser le prince charmant. Régnier, c'est le prince. Et en plus, il est charmant. Donc, vous voyez, elle a trouvé l'homme idéal, d'une certaine manière. L'homme bien accepté par son père, aussi, on y revient. Bien accepté par son père. Ouais. Effectivement, le mariage est plutôt accepté. Il va y avoir une conférence de presse à Philadelphie lorsque Régnier vient demander sa main. Il ne faut pas oublier quand même qu'à l'époque, Monaco, c'est pas grand-chose. Hein. Ce n'est pas cette ville, cette principauté qui rayonne dans le sud de la France. On sort des années de guerre en Europe. Il se passe pas grand-chose. C'est une petite sous-préfecture de province qui vivote avec ses casinos. C'est pas aussi idéal que ça. D'ailleurs, ouais. Lorsque Grace Kelly annoncera à sa mère qu'elle veut se marier avec le prince de Monaco, la mère confondra Monaco et Morocco, comme on dit en anglais le Maroc, et elle voit déjà sa fille à dos de chameau sous les tentes de Bédouins. Vous voyez, c'est faut ouais. pas imaginer que c'est cette espèce de Hong Kong européen qu'est Monaco aujourd'hui. Ouais. Il se sent... D'ailleurs, c'est elle qui va vraiment permettre à Monaco de devenir ce que la principauté deviendra. Parce qu'évidemment, ça va créer un intérêt médiatique absolument énorme sur Monaco. Ouais. Et c'était quelque part une des idées de Régnier. Il voyait très bien l'aspect promotionnel de la chose. Il voyait très bien qu'en épousant Grace Kelly, il allait attirer la lumière sur, sur son petit territoire. Ouais. Mais éloigné, du coup, pour elle, pour Grace Kelly, la lumière d'elle comme actrice. Parce que ce mariage-là, avec le prince Régnier, va marquer la fin de sa carrière au cinéma. On écoute à ce propos un extrait d'entrevue où Lise Payette aborde la question avec Grace Kelly. On est en 1967. Altesse, je pense que vous avez fait tout récemment un retour, si on peut dire, peut-être pas au cinéma proprement dit, mais à la télévision en tous les cas. Oh, pendant les dernières années, j'ai fait plusieurs fois une apparition pour la télévision. J'ai fait l'année dernière pour la Croix-Rouge, j'ai fait la commentaire pour un film. Et il y a quelques années, nous avons fait un film sur le palais pour la télévision. Et dernièrement, on vient de tourner un film d'une heure, mais c'était quelque chose avec musique, mais en utilisant Monte Carlo comme cadre. Alors j'ai fait quelques commentaires dans ce film. Est-ce que ça ne ramène pas chez vous un peu de nostalgie de votre métier d'autrefois? Peut-être un peu, mais je dois dire que c'est tout à fait différent. Je dois jouer moi-même, c'est plus difficile. Est-ce que ça n'aurait pas été possible que vous continuiez votre carrière? Oh, c'est trop tard maintenant, mais c'était trop difficile au début, oui, bien sûr. Alors, ce deuil du cinéma à Bertrand Tessier, comment Grace va le vivre? Moi, j'ai beaucoup regardé les archives, à la fois pour le livre et pour le documentaire, au moment où Grace Kelly et Régnier annoncent leur mariage et donnent leurs premières interviews. Ce qui me semble, c'est que le sujet n'a pas été abordé entre eux, à ce moment-là. Que le sujet va venir sur le tapis, si je puis dire, un petit peu plus tard, quand Grace Kelly va avoir des propositions. Mais finalement, c'est assez logique. Quand vous aimez quelqu'un et que vous décidez de l'épouser, vous commencez pas par lui dire « Oui, mais si je t'épouse, il va falloir que tu arrêtes ton métier. Ouais. » Donc finalement, c'est assez logique. Mais effectivement, lorsque Grace va manifester son envie de revenir au cinéma, Régnier va s'y opposer. Pourquoi ? Alors, il va s'y opposer pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'il pense que le rôle d'une princesse de Monaco, c'est d'être à Monaco et c'est pas d'aller faire des apparitions, des voyages qui vont durer 2, 3, 4 mois à Hollywood. Ça, c'est la première raison, qui j'ai envie de dire la raison officielle. Ouais. Ensuite, Régnier, c'est un prince issu d'une vieille maison aristocratique européenne. C'est aussi un latin, quelque chose d'un peu macho. Et donc, il n'a pas du tout envie que ses sujets, que les monégasques, voient sa femme embrasser un autre homme à l'écran. Ouais. Je crois qu'il faut dire les choses franchement. Ni qu'elle lui porte ombrage, peut-être, en redevenant cette star qu'elle était. Non, parce que ça, c'est quelque chose qu'il cherche. Il a envie de cette notoriété pour la principauté de Monaco, parce qu'il faut attirer des capitaux, il faut amener de l'argent à Monaco pour le développer. Et lui, il a des gros projets pour Monaco. Donc, c'est pas terrible dans l'aristocratie européenne des années 50, l'idée qu'une princesse aille interpréter des rôles plus ou moins moraux au cinéma. Ouais. Tout ça, cette histoire, ce conte de fées, au fond, va se terminer dans une bêtise extrême, accident. Accident de voiture, le 14 septembre 82. Grace va mourir dans cet accident de voiture. Elle n'a que 51 ans. En affirmant jeudi que la princesse Grace de Monaco avait perdu le contrôle de sa voiture, une lourde Rover 3500, à la suite d'une attaque cérébrale, un médecin niçois, le professeur Duplay, a levé une partie du mystère qui entoure les circonstances de l'accident mortel dont a été victime lundi dernier la princesse de Monaco. Le docteur Duplay, qui s'était rendu dans la nuit de lundi à mardi au chevet de la princesse et qui a sans doute pu parler à sa fille, la princesse Stéphanie, seule capable de préciser les circonstances de l'accident, a confirmé la thèse présentée par les autorités monégasques et la gendarmerie française, selon laquelle c'était la princesse Grace qui était au volant. Les circonstances de la mort de Grace Kelly et Bertrand Tessier vont soulever, moi je me souviens de ça, une série de questions, une série de doutes. Avec le recul, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui? Sait-on vraiment aujourd'hui comment ça s'est passé? Alors, une chose, tout d'abord, la mort de personnalités exceptionnelles, la mort prématurée de personnalités exceptionnelles, que ce soit Marilyn Monroe ou Lady Diana, on l'a vu avec elle, incite toujours à la rumeur, à la question. On a l'impression que ces gens-là sont immortels. Donc, comment peuvent-ils disparaître aussi vite, finalement? Ouais. Là, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, lors de l'accident, elle est en voiture avec la princesse Stéphanie qui est sa fille, et les premiers témoins de l'accident vont dire que la princesse Stéphanie est sortie par la porte gauche de la voiture, ce qui sous-entendrait que la princesse Stéphanie conduisait. Grace, évidemment, ne peut pas sortir de la voiture puisqu'elle est bloquée et elle a été extrêmement blessée dans l'accident. Donc la rumeur part de là et elle va durer des années. Et pour le livre, j'ai retrouvé Roger Bengzé, qui est le commandant de gendarmerie qui a enquêté sur la disparition sur cet accident. Et je peux vous dire, pour avoir vu le rapport de police, pour avoir vu les photos de la voiture, tout cela étant dans le livre, qu'il n'y a absolument aucun doute, c'était bien Grace qui conduisait la voiture. Bertrand Tessier, auteur de Grace, la princesse déracinée, publié aux éditions de l'Archipel en 2014, réalisateur du documentaire Grace Kelly, une femme libre. Merci infiniment de votre participation, Bertrand. Merci, Jacques. Merci également à Mathieu Beauchamp, à la réalisation de l'émission, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Pierre Fontaine. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine. But to give to you and to give to me love.